Bonjour Blockbuster qu'on adore, Viviane, puis les volcans d'Auvergne. Bon alors je réagis un peu tard sur Dirty Dancing, mais parce qu'en fait j'écoute en replay, donc je suis en train de l'écouter. Et j'avais quand même envie de vous raconter que moi Dirty Dancing, quand je l'ai vu la première fois, j'avais 11 ans, j'étais dans l'avion. Et à l'époque dans l'avion, eh bien il fallait payer les écouteurs. Et mon père, eh bien Dirty Dancing, il a pas du tout eu envie de me payer les écouteurs. Donc la première fois que j'ai vu Dirty Dancing, c'était sans le son. Et alors, je peux vous dire que Dirty Dancing sans le son, ça a une puissance érotique quand on est une petite fille de 11 ans. Voilà, j'étais très loin de l'histoire. Mais bon. Merci pour cette super émission autour de Whoopi Goldberg. Ça m'a fait du bien parce que j'étais censé aller l'applaudir sur scène à Londres au mois d'août où elle reprenait son rôle dans Sister Act en version comédie musicale dans le West End. Mais grâce à vous, Fred et toute l'équipe, j'ai pu passer un petit moment avec elle. Donc c'était cool et bravo pour vos émissions. Bye bye. Je viens d'écouter le podcast sur Whoopi Goldberg et c'était un pur plaisir, un pur régal, retour en enfance. Moi, c'est un film qui m'a donné l'envie et le goût de toute la musique depuis que je suis tout petit, de la soul, du gospel, James Brown, tout quoi. Donc, c'est vraiment un pur plaisir. Ouais, bonjour Fred, c'est Stéphane des Vosges. Ben, je viens d'écouter ton émission sur Whoopi Goldberg. À un moment, tu as évoqué un film que je ne connaissais pas jusque-là. Ça s'intitule Y a-t-il un pilote pour sauver l'avion? Du coup, je me demandais si vous pouvez me prêter le DVD et si jamais tu avais aussi la version Y a-t-il un flic dans l'arène? Il doit être pas mal celui-là. Allez, l'émission! To be or not to be, not to be. Je vais vous révéler un secret, j'ai failli arrêter les blockbusters musicaux. Il n'y a pas une seule parcelle d'une émission musicale qui ne soit une vraie tannée à gérer. Alors je sais, habituellement, faut pas dire ce genre de choses, faut afficher le fameux poker face, du professionnalisme, un peu comme les gardes de Buckingham Palace qui doivent rester de marbre devant les touristes qui pensent être les premiers à leur faire des grimaces. Mais moi, je vais vous dire une chose, je n'aurais jamais pu être garde à Buckingham Palace. Le premier tordu qui veut faire un selfie en me mettant les doigts dans le nez, je lui mets la tête en 3 épisodes. Et les blockbusters musique, ça me donne mal à la tête. Parce qu'à la base, voyez-vous, il y a juste une envie très naïve, sans agenda particulier. Je me dis, oh tiens, ce groupe, tout le monde connaît ses chansons, mais on l'entend jamais à France Inter. Si je faisais une émission sur eux, ça va pas plus loin. C'est après que ça se complique. Il y a les experts musique que tu peux plus arrêter pendant l'émission. Bobby Joe Williams en 72 rencontre Stan Marley dans un bar à tapas et il a l'idée de son tube Vomit on the Highway en entendant le bruit de la machine à café. Ensuite, t'as les fans. Vous n'avez pas passé la version de 32 minutes de Eating Under the Moon enregistrée en 83 à Cincinnati, jouée sur un ukulélé en bois équitable. C'est honteux. La playlist France Inter. Sérieux? Je dois passer Petit Biscuit dans une émission consacrée à ACDC? Oui, Frédéric. Car si l'auditeur, habité par l'esprit inter, n'a pas sa dose de playlist chaque heure, il explose. C'est une image? Non, il explose vraiment. Il y a vraiment eu des cas. Bref, aujourd'hui, on va parler de Lady Gaga. Et j'ai envie de me dire... Poker face, Frédéric. Poker face. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglis. Hey! I never felt comfortable enough. J'étais incapable to sing. De chanter comme ça. And just be this way now. Et de me montrer comme ça. To just sing or de chanter les cheveux attachés. I never felt pretty enough or je ne me trouvais pas assez jolie. Smart enough pas assez or intelligente. A good enough musician. Pas assez bonne musicienne. Son rôle dans American Horror Story, pour lequel elle a eu un Golden Globe, ou celui de A Star Is Born, pour lequel elle a reçu l'Oscar de la meilleure chanson originale, ne doivent pas faire oublier que Lady Gaga, Stéphanie Germanotta de son vrai nom, est une star mondiale. Une vente de disques estimée à 30 millions d'albums et 150 millions de singles. Elle est considérée comme une des artistes et une des femmes les plus influentes de la planète. À la croisée d'une Madonna pour sa capacité à faire danser les foules et d'un David Bowie pour sa capacité à se réinventer visuellement, Lady Gaga, loin d'être une mode ou la tendance d'un moment, est une femme qui a fait de ses complexes, de ses traumas et de ses angoisses une véritable force. Pour revenir sur cette personnalité singulière, j'ai avec moi Marie Luba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes blogueuse musicale sur le rock alternatif sur le site pinkinside.fr. Totalement. Et grande fan de Lady Gaga. Totalement, tout est bon. Avec nous également Romain Burel, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes le directeur de la rédaction de Têtu. Le numéro Été de Têtu vient de sortir avec un grand dossier sur le racisme au sein de la communauté gay. On pourra retrouver dans ce numéro des interviews notamment de Dua Lipa, François Ozon et Orville Peck. Exactement, il n'y a pas Lady Gaga, on aurait adoré mais... Ce sera pour un prochain numéro. Exactement. Ensemble, on va revisiter la carrière de Lady Gaga, ses influences évidentes et moins évidentes, son look et l'univers qui va avec et qui joue un rôle aussi important que sa musique. On parlera de ses débuts difficiles jusqu'à la conquête des charts internationaux. J'ai envie de dire international. De son rapport à la famille, aux hommes, à son émancipation de plus en plus revendiquée par elle-même. Bref, pendant une heure, blockbuster, c'est Radio Gaga. Je veux devenir une femme dans ce business et grandir. Je veux dire, quand tu deviens célèbre à 21 ou 22 ans, tu arrêtes de grandir. Je veux devenir une femme. La vérité, c'est que je peux toujours trimballer mon passé avec moi, mais je ne peux jamais revenir en arrière. C'était un extrait de Bad Romance tiré de l'album The Fame Monster sorti en 2009. Marie Luba, oui. Est-ce que vous pouvez éclairer nos lanternes? Qui est Lady Gaga? Lady Gaga, c'est une artiste qui débarque en tout cas dans nos oreilles en 2008. Et à l'époque, quand elle arrive, on a l'impression que voilà, ça va être une pop star de plus, super marketée, un peu à l'image de Britney Spears, de Christina, enfin des personnes qui à l'époque n'écrivent pas réellement leurs chansons. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte de l'artiste qu'elle est, notamment grâce à ses performances acoustiques. C'est là qu'on se rend compte que cette personne a une véritable voix, que le playback n'est pas trop sa copine. Et on se rend compte également que ses performances sont juste énormissime, que ce soit au niveau de sa prestation même physique, mais surtout au niveau vocal et au niveau effectivement de tout ce qui est visuel. Et elle est très complexe et on a envie d'en savoir à chaque fois plus, et à chaque fois elle nous surprend en fait. Et alors, quel est son milieu social? Parce que je me suis laissé dire, c'est peut-être une déformation inter, mais je me dis que souvent le milieu d'origine explique énormément de choses sur le parcours qui vient ensuite. Donc elle vient de New York, je crois. Elle vient de New York, c'est ça. Elle a été éduquée à Manhattan. Elle a grandi dans l'Upper East Side. Elle vient d'une famille qui est plutôt confortable, un père entrepreneur qui installait le Wi-Fi dans les hôtels. Une mère qui bossait chez Verizon, l'équivalent d'Orange en France. Un milieu assez confortable. On lui apprend très tôt le piano. Oui, elle dit avoir commencé à 4 ans. À 4 ans, oui. Parce que maman qui insiste. Exactement. À 11 ans, elle passe le concours de la très prestigieuse Juilliard School. Elle est prise et finalement, elle dit que c'est pas son truc. Il y a une vingtaine d'élèves qui sont sélectionnés. Exactement. Et surtout les enfants aussi jeunes, c'est assez rare. Elle est clairement très très tôt. On est sur un parcours qu'on connaît bien aux États-Unis, c'est-à-dire les enfants stars. On a des parents derrière qui poussent, exactement, pour faire de leurs enfants, en tout cas des artistes accomplis. Il y a sûrement un petit peu de revanche sociale, elle vient d'une famille italo-américaine, pour qui ça n'a pas toujours été évident, mais en tout cas quand elle a grandi dans un milieu plutôt favorable. Et alors, elle commence très très tôt à ressentir des complexes vis-à-vis d'elle-même. À l'école, on c'est se ça, moque d'elle parce qu'elle est un peu plus ronde que les autres, qu'elle aurait les dents un peu trop en avant. Et aussi, elle reçoit pas mal de critiques. C'est une sorte de harcèlement scolaire, en fait, à l'école, tout de suite. Elle a envie aussi au début d'être actrice. Donc on lui dit non, tu ne pourras pas être actrice parce que t'as un nez qui n'est pas dans la norme de la beauté qu'on voit à Hollywood aujourd'hui. Donc tu ne pourras pas, en fait, être actrice. Il y a même des pages Facebook qui se créent. Stéphanie Germanotta ne sera jamais célèbre. Et du coup, en fait, je pense que c'est tout ce harcèlement qui, au fur et à mesure... C'est quand même un harcèlement qui va très très loin. Ils ont fait des pages Facebook pour... C'était le harcèlement, le cyberharcèlement, elle l'a connu, tout simplement. Il y a des pages aujourd'hui qui ressortent. D'ailleurs, il y a des comptes fans qui parfois ressortent ça avec la photo de son Oscar juste après en disant, effectivement, elle n'est pas célèbre aujourd'hui. Mais en fait, c'est tout ce harcèlement qui fait que, eh bien, on retrouve une certaine hargne dans sa musique aujourd'hui. Au fur et à mesure que ses albums ont évolué, eh bien, on la découvre et on redécouvre encore plus les failles qui sont nées de toute cette souffrance au final. Mais alors, une fois qu'elle a refusé de faire cette école et qu'elle a décidé de quitter le domicile parental, la réussite n'est pas arrivée comme ça d'un coup. Au contraire, elle a notamment été remarquée par Def Jam et en fait, il s'est rien passé. Ouais, elle commence, elle fait une école d'art assez prestigieuse encore à New York, ça s'appelle la Tisch School. Elle commence à faire un petit peu de comédie musicale. Elle travaille même dans un bar de striptease un temps en tout cas. Et coco danseuse aussi. Exactement. C'est pas un parcours artistique où elle va exploser tout de suite. Elle va avoir des rencontres assez déterminantes. Je pense notamment à une jeune femme qui s'appelle Lady Starlight, à qui elle chopera la première partie de son nom, Lady, qui va un peu la brancher. Elle va un peu la l'ébouriffer, faire d'elle une artiste un petit peu plus trash, un peu plus clash. Elle va un peu la salir en fait, parce qu'elle est peut-être encore un tout petit peu trop propre. Et quand on voit Lady Starlight, qui d'ailleurs a fait les premières parties des concerts de Lady Gaga, après, quand on les voit toutes les deux, on sent qu'elles se sont mutuellement inspirées, parce qu'il y a ce côté vraiment, ce côté entre guillemets bordélique qu'elle a amené en fait grâce à elle. Et ce Gaga, il vient d'où ? De Radio Gaga, de la chanson donc de Queen. C'est ses amis qui l'ont renommée comme ça. Oui, parce qu'en fait, on très très rapidement, on lui a présenté comme source d'inspiration possible à la fois le groupe Queen, mais aussi David Bowie, donc, le glam rock. Ça joue un rôle très important dans la carrière de Lady Gaga. Et pourtant, je crois que c'est pas hyper évident quand on entend les premiers sons de Lady Gaga. Effectivement, on la voit, elle arbore un flash sur le visage dès ses premiers clips, etc. Elle pense beaucoup à David Bowie. Elle fait régulièrement référence à lui. Je crois qu'elle a, notamment sur le changement de look et le fait de se réinventer, c'est une influence assez indéterminante que celle de David Bowie. Elle a apporté une espèce d'hystérie là-dedans. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si Bowie se réinventait tous les 6 mois, elle, c'était 12 fois par jour. Quand elle est arrivée, c'était assez vertigineux quand même de l'avoir arboré autant de looks différents. C'est presque dangereux, on se dit au départ, mais si on est méconnaissable, comment voulez-vous qu'on vous reconnaisse? Elle a réussi à inventer une espèce de temps absolument hystérique. Elle a ringardisé toutes les pop stars de l'époque. Quand elle est arrivée, en fin de compte, on s'est dit, mais c'est incroyable. Cette fille semble avoir tout compris, en tout cas aux réseaux sociaux, etc. Puisque effectivement, arborer un look par jour, c'est une chose, mais quand vous avez Twitter ou Facebook, c'est un toutes les heures qu'il faut arborer. Elle a apporté ça à la pop. Alors on va continuer d'explorer la carrière de Lady Gaga avec la blogueuse musicale Marie Leba et le directeur de Tétu, Romain Burel, mais pour le moment, on écoute Poker Face, tiré de l'album The Fame, sorti en 2008. J'en profite pour vous dire que cette émission a été préparée par Jeanne Paravert, Alice Delcourt, Sarah Masson et soutenue par Tom Malky, notre stagiaire. Vous êtes toujours dans Blockbuster sur France Inter et vous venez d'entendre Poker Face de Lady Gaga. Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rasamondo and Andrew Wyatt. Thank you so much. Thank you so much. Merci infiniment à l'Académie pour cet honneur incroyable. Merci à chaque personne dans cette salle. Merci à Mark Ronson, à Anthony Rosomondo, à Andrew Wyatt, mon co-auteur. Je les aime tellement. Bradley. Personne d'autre que toi n'aurait pu chanter cette chanson avec moi. Merci d'avoir cru en nous. Merci tellement. Et si vous êtes à la maison, sur votre canapé, si vous regardez ça maintenant, tout ce que je dois dire, c'est que c'est du travail acharné. J'ai travaillé longtemps et dur. Et ce n'est pas une histoire de victoire, mais c'est une histoire de ne pas abandonner. Si vous avez un rêve, battez-vous pour ce rêve. Il y a une discipline pour la passion. Ce n'est pas une histoire de combien de fois vous vous faites rejeter ou tomber ou vous faites battre. C'est une histoire de combien de fois vous vous redressez et être courageux et continuer malgré tout. Merci. C'était un extrait de Shallow, la chanson originale de A Star Is Born, sortie en 2018, pour lequel Lady Gaga a reçu l'Oscar de la meilleure chanson originale. Alors, on va repartir un petit peu dans le temps, parce que ça, évidemment, c'est assez récent, mais on a écouté Poker Face, et j'avoue que moi, les premières fois, je vous le disais pendant la chanson, que j'ai entendu Lady Gaga, je suis 77, donc je me suis tapé absolument tout ce qui était techno-européenne des années 90, Gala, Fruit from Desert, etc. Et les premières fois où j'ai entendu Lady Gaga, je me suis dit, mais ça, c'est de la techno-européenne. Et c'est vrai qu'elle a amené un son qu'on imaginait difficilement être un son new-yorkais. Surtout en 2008, effectivement, c'était plus du tout à la mode, c'était passé de mode, et on revient effectivement dans un délire d'eurodance hyper surprenant. Et au final, au début, les gens, on le disait tout à l'heure, pendant Poker Face, les gens ne voulaient pas de Poker Face, pas de Lady Gaga. Dans les rédactions parisiennes, on ne voulait pas entendre parler de l'album. En fait, concrètement, je me rappelle avoir parlé à l'attaché de presse qui avait travaillé le disque à l'époque, qui disait, je me faisais jeter de partout, on n'en voulait pas de son disque. en fait. On disait, c'est quoi ce cascada du pauvre, etc. Des choses absolument abominables. Les gens n'avaient pas pris la mesure qu'il y avait là une artiste vraiment protéiforme, qui avait un sens mélodique incroyable, qui savait trousser un refrain. Vraiment, c'est venu plus tard, quoi. Il a fallu, voilà, quand il y a eu 3 numéro 1 d'affilée aux États-Unis, ils se sont dit, ah, finalement, il y a peut-être quelque chose là, ici. Ouais. Et puis il y a eu une émission qui a été une sorte de tournant. Ouais, je crois que Lady Gaga doit beaucoup à Nagui. Beaucoup, énormément. tout fan de Lady Gaga connaît cette performance. Elle a été invitée donc sur Taratata et en fait elle devait réinterpréter ses chansons au piano. Et là je vous parlais justement des versions acoustiques, de la puissance des versions acoustiques de Lady Gaga. Donc elle nous a refait un Hey Hey, un de ses premiers singles, donc où en fait elle a soufflé tout le monde, absolument tout le monde. Elle parlait en français, elle jouait avec Nagui aussi. C'était très drôle de voir en fait la relation qui est en train de naître entre Nagui et elle, et au final entre elle et le public français et le public mondial aussi. Piano, voix, les gens juste ont ça. Découvert que c'était une musicienne extraordinaire, ouais. Et une chanteuse phénoménale en fait. Et là, je sais que je vais recevoir des messages en disant « Oui, alors voilà, on dit du bien de Nagui parce qu'on est dans son émission. » Non, c'est comme ça. C'est... Voilà. On n'a pas été payé pour. Pas non, du non, tout. Non. Et alors... aux États-Unis, c'est notamment le rappeur Akon, qui lui a mis le pied à l'étrier, qui l'a découvert et qui a décidé de la lancer. Oui, parce qu'en fait, elle signe un contrat, mais elle ne chante pas. En fait, on lui propose pas de chanter. En fait, on lui propose d'écrire pour les autres. Et c'est Britney Spears, Gillo, les Pussycat Dolls aussi, avec qui elle fait une tournée, il me semble. Et Akon reconnaît en fait son talent vocal et qui lui propose, enfin, qui dit à ses amis producteurs, non, je pense qu'on tient un truc là. Donc vraiment, faites-lui confiance, faites-moi confiance. Et c'est d'ailleurs là qu'on le voit aussi dans le clip de Just Dance, qui est le premier single de Lady Gaga au final. Et alors, ce qui est assez frappant quand on regarde les premiers clips de Lady Gaga, c'est qu'il y a évidemment cette dimension très sensuelle. Mais à la différence d'autres chanteuses de R&B ou de pop, il y a une sorte d'absurdité, de décalage un peu freaks dans ces clips et dans ces spectacles aussi, qui est assez assumé. C'est-à-dire qu'on est toujours au bord de quelque chose presque d'un peu gênant, d'un peu presque glauque, froid dans ces... Je crois qu'en fait, dès le départ, dans son travail, il y a déjà une réflexion sur la célébrité. Oui. C'est-à-dire de ce que c'est qu'être célèbre. D'ailleurs, c'est pas un hasard, si l'album s'appelle The Fame. C'est bien, on parle carrément au cœur, là, c'est magnifique. C'est bien, vraiment. Mais moi, c'est ça qui est bien quand les invités répètent à l'extérieur, comme ça. C'est incroyable. Je suis médusé. C'est beau. Et en fait, elle est déjà, les premières interviews qu'elle donne, elle dit, voilà, on se revoit ici dans un an, dans le même pub, et tu verras que tout le monde chantera mes chansons. En fait, elle est persuadée de devenir célèbre. Tout tourne autour de ça. C'est presque une dimension warholienne à tout ça. C'est-à-dire, c'est son quart d'heure, elle va l'avoir, il va le faire durer le maximum possible. Et d'ailleurs, en parlant de dimension warholienne, Lady Gaga a la House of Gaga. La House of Gaga, en fait, c'est tout un collectif d'artistes qui travaillent, en fait, que ce soit, qui travaillent son image, que ce soit au niveau de la scène, au niveau du maquillage, au niveau des chorégraphies, au niveau des robes, la robe de viande, bah, c'est la House of Gaga, en fait. C'est tous ces artistes-là qui ont qu'elle a appelé en fait en s'inspirant de l'usine en fait d'artistes de Andy Warhol. Donc pour dire à quel point c'est. Et justement sur ce travail sur la forme de Lady Gaga, elle le disait dans une interview, son rêve, son envie, c'était que ses fans aient envie non seulement de l'écouter, mais de la dévorer, de lécher ses vêtements et que justement la robe de viande, ça participait de ça aussi. Moi j'aurais préféré une robe en bonbon Haribo personnellement. Pareil. Voilà. Et puis d'autres vont dire non mais moi j'aurais une robe sans gluten. Enfin, c'est chacun choisit la robe qu'il veut. Mais en tout cas, ouais, on parlait tout à l'heure d'une enfance un peu difficile et du harcèlement, etc. Mais cette furieuse envie d'être aimée par des millions de gens, elle n'est pas chez tout le monde. Et quand elle naît chez quelqu'un, en général, c'est la marque des artistes les plus phénoménaux au niveau de la célébrité aussi. C'est la même envie qu'il y a chez des femmes comme Madonna ou Beyoncé, clairement. Elles sont animées par ce même sentiment de besoin de reconnaissance assez irrationnel, assez fou, avec lequel j'ai l'impression aujourd'hui que la Lady Gaga de 2020 prend un peu plus de distance avec celle qu'elle était en 2008. Mais elle expliquait aussi dans une autre interview que j'ai pu lire que finalement le succès c'était une sorte de contrat qu'on passait où on donnait son talent et sa musique au public et que lui en échange donnait l'image qu'il avait envie de voir et que en fait tout ça c'était une sorte de création de créature de Frankenstein du public et que elle l'avait incarné pendant un certain temps de ce robot désarticulé et que aujourd'hui elle avait la possibilité d'apparaître telle qu'elle avait envie d'apparaître. Est-ce qu'on ressent ça dans son parcours musical? En fait, on l'appelle la Mother Monsters. Donc c'est vraiment la maman monstre au final. Donc peut-être qu'effectivement les ses fans, je suis pas sûre que ce soit une envie de voilà les fans. Je suis à l'image de mes fans. Moi je pense qu'elle a été suffisamment intelligente pour que ses fans la voient comme elle le voulait de base. Donc je pense que à travers sa façon de parler sur scène, sa façon de s'adresser à ses fans, You Were Born This Way, vous êtes né de cette manière, donc il va falloir que vous ayez confiance en vous. Elle transmet un message et en fait elle a envie que ce message-là soit porté par les fans. Moi je pense que c'est plus comme ça qu'elle a vu les choses, le succès. Ouais, elle a connu l'époque MySpace, oui. Etc. Elle anime sa communauté. C'est vraiment une, elle sait leur parler, etc. Il y a plusieurs façons de parler à son public. Peut-être que Madonna avait une relation un peu SM avec ses fans. Lady Gaga apporte une espèce de... C'est comme si elle pense et parle pour eux. Voilà. D'ailleurs, parfois, ça l'amène un peu dans des territoires un petit peu dangereux. Parfois, elle se met à parler au nom de la communauté LGBT. Il y a certains membres de la communauté LGBT qui lui reprochent un petit peu en lui disant « Voilà, bon, tu étais une alliée, certainement, mais est-ce que vraiment tu fais partie de notre communauté ?» C'est parfois... On va continuer d'en parler. Alors, je tiens à préciser que si vous êtes fan de Lady Gaga et que vous ne savez pas avec qui partager cette passion, le répondeur de Blockbuster est là pour ça, 01 56 40 30 20. Et on va continuer d'écouter Lady Gaga avec une chanson qui l'a fait connaître, Just Dance, sur l'album The Fame, sorti en 2008. It's been the last though. I've got it. And your pocket. Oh là là, le revival. Alors là, on est reparti dans 90, 80. Ils ont convoqué le flic de Beverly Hills, Madonna. Tout le monde est passé dans la chanson. Tout le monde. Je tiens à préciser que, à la réalisation de cette émission, il y a toujours Céline Hila, qui est toujours là parce qu'elle m'aime bien. Et à la technique, il y a Rémi Sistiaga, qui est là parce qu'on l'a obligé, mais il commence à s'attacher à nous. Donc, on aime bien qu'il soit là. Blockbuster. Je suis pas mauvaise. Frédéric Sigrist. Je suis juste dessinée comme ça. Sur France Inter. Alors, je l'ai déjà dit, Lady Gaga a été désignée comme une des femmes les plus influentes du monde, mais ça, voyez-vous, il y en a. Non seulement ils s'en fichent, mais ils aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Chez Lady Gaga, l'apparence est tout, elle n'est qu'apparence. Trop vulgaire. C'est commercial, on va dire. Un peu too much. Raphaël Enthoven, qui décrit ainsi la reine de la pop, Lady Gaga n'est qu'un phénomène. Ses collants de cuir, ses tenues de sirène, de steak, de nonne ou de coquine, ses cheveux blonds, verts, bruns, noirs ou blancs ne montrent qu'eux-mêmes ou servent seulement à montrer qu'ils ne dissimulent rien. Il ne suffit pas de montrer ses fesses, de s'habiller avec de la viande crue pour être Andy Warhol. Warhol a mis la pop dans l'art. Elle veut mettre de l'art dans la pop. Warhol a transformé sa boîte de soupe en œuvre d'art. Lady Gaga met de la soupe dans la soupe. Comme son nom l'indique et comme ses costumes le montrent, Lady Gaga, ce n'est personne. Non pas n'importe quoi, mais n'importe qui. Ouvrez-la, vous ne trouverez rien. Musicalement, c'est juste efficace pour vous rendre insomniaque ou sourd, avec des titres qui semblent parfois des recyclages d'autres tubes où la star de la provoque s'époumonne. Il ne sert à rien de dire qu'elle fait de la daube ou qu'elle chante mal, puisqu'on le sait déjà. Quant aux textes, ils évoquent bien sûr le sexe, son fond de commerce. Bilan Lady Gaga, devenue sa propre caricature, semble déjà un peu usée, fatiguée, et nous, encore plus. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Marie Luba. Waouh, oui. Donc, on vient de l'entendre, il y a des gens qui restent relativement, j'ai envie de dire, hermétiques au talent de Lady Gaga. Oui, c'est vrai. Et même moi, j'en rencontre quotidiennement. Il y en a qui n'arrivent pas à... Le dernier argument de la dame qu'on vient d'entendre, c'était « elle ne parle que de sexe ». Elle ne parle que de sexe. Le problème, c'est qu'elle-même l'a dit à ses débuts, Lady Gaga, c'est que c'est une femme. Une femme qui parle de sexe, souvent, ça dérange. Si ça avait été un garçon, en fait, on l'appellerait rockstar, tout simplement. Et elle, en fait, elle a toujours été obsédée par cette envie qu'on l'appelle rockstar, et effectivement, en fait, elle a les codes d'une rockstar, sauf que c'est une femme, elle parle de sexe, elle parle de drogue, elle parle de sa relation avec les hommes, de ses tourments, et surtout qu'en plus, elle a eu une vie parsemée d'événements malheureux qui expliquent aussi tout ça. C'est exactement ça, entre effectivement le viol par son producteur qu'elle a subi, le harcèlement, on en a parlé, il y a également... Elle a eu une période de dépendance aussi. Une période de dépendance à la drogue, il y a tout ça qu'elle exprime, et effectivement, les gens n'ont pas quand ils n'aiment pas Lady Gaga, c'est souvent en fait le principal reproche, ce sont ses textes, parce que elle écrit de la soupe, quoi. Or non, en fait, elle exprime justement ce qu'un homme pourrait exprimer, mais oui, je pense pas qu'on dise la même chose à Mick Jagger. Non, on lui dirait pas ça, on dirait oh là là, mais Mick Jagger, mais quel rockstar, mais quel homme, il est formidable, il parle de drogue, c'est génial. Romain Burel, l'argument qu'elle serait vide, je le trouve particulièrement misogyne en fait, concrètement, parce qu'on est en présence d'une très grande songwriteriste, quoi. Elle sait vraiment écrire des chansons comme rarement. Elle sait torcher un refrain comme personne. Elle a un don pour les ponts. On reconnaît, moi, le Stupid Love, son nouveau single, j'ai entendu une note, je savais que c'était elle, parce que elle a une patte, quoi. Et de dire qu'elle a pas de talent pour ça, c'est que les gens l'ont pas jamais vu en live. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un commencer aussitôt sa carrière et remplir un stade de France, tenir un public, 81 personnes dans la paume de sa main. C'est pas donné à tout le monde. Quand vous êtes vide, vous n'arrivez pas à faire ces choses-là. Même au Super Bowl, elle a fait. En plus, c'est probablement l'exercice le plus millimétré qui soit dans l'entertainment aujourd'hui. Et elle s'en est sortie avec les honneurs, quoi. Et c'est seule. Vraiment... C'est-à-dire qu'au Super Bowl, généralement... En général, on vient en chorale. Beyoncé a le temps de faire une petite pause pendant que d'autres viennent faire l'entertainment. Et elle a tenu un quart d'heure de show, seule, toute seule, zéro playback. Et alors, il y a aussi eu, à un moment donné, cet accident, notamment à la hanche, qui a fait qu'elle a un petit peu mis de côté les prestations scéniques parce qu'elle n'en pouvait plus. Et ça correspond aussi à une époque où elle s'est tournée vers la télévision, notamment avec la série American Horror Story, et ensuite le cinéma. Et là aussi, ça fonctionne. Et ça a mis du temps, parce qu'au début, quand elle faisait des castings pour participer à des films ou des pièces de théâtre, on lui disait non, vous êtes beaucoup trop pop pour faire ça. Et quand elle faisait des castings pour être pop star, on lui disait non, vous êtes beaucoup trop théâtrale. Donc en fait, elle n'était jamais à sa place. Et au final, effectivement, elle a pu se réconcilier, j'ai l'impression, avec son premier amour. Qui est le cinéma. On a l'impression, on a l'impression qu'elle a toujours voulu ça. Et je suis même un peu triste pour elle parce que elle a effectivement gagné un Oscar. Mais pour une chanson. Final, alors que la prestation le mérite quand même. Hein. Elle est très impressionnante dans le film. Mais elle l'était tout autant dans American Horror Story. Simplement, comme on est dans une série de genre, là, on part vraiment avec des grosses casseroles pour avoir un prix d'interprétation. Moi, je crois que se tourner un petit peu vers l'univers des séries et du film, ça vient pas à une période... c'est pas un hasard dans sa carrière. Je crois que musicalement, avec l'album Art Pop, il y a eu comme un décrochage. Il y a eu quelque chose qui, elle avait amené la machine un peu trop loin. Peut-être une partie du public a moins cliqué. Il y avait moins de tubes. La production était quand même très très féroce. Ni la critique ni c'est pas un album qui a très très bien marché. Et il fallait donc, je pense, elle a eu une espèce de crise existentielle en se disant comment, qu'est-ce que je vais faire après en fait. Elle va se séparer de son manager. Elle va essayer de se trouver de nouveaux horizons. Et je pense que c'est à travers la construction dans de rôles pour les séries télé et pour le cinéma qu'elle s'est assez réinventée. Certaines personnes ont l'impression que je leur ai volé des trucs. Mais avec le recul, j'ai compris que c'est pas du tout ça. Je cherchais à leur rendre hommage. Cette histoire avec Madonna... En fait, je l'ai toujours admirée, et c'est encore le cas. Peu importe ce qu'elle pense de moi. Vraiment. Vient d'entendre un extrait de Chromatica, le dernier album de Lady Gaga avec Sour Candy. Et alors là, moi, je me suis fait choper parce que elle a fait un duo avec le groupe de pop coréenne Blackpink. C'est ça. Il faut savoir que c'est un groupe de jeunes filles, donc c'est vraiment de la K-pop, mais qui blinde absolument partout sur la planète. Vous ne connaissez peut-être pas. Demandez à vos filles ou vos fils, ils connaissent. Et c'est quand même incroyable, enfin, de la retrouver comme ça, validée. Oui. Et ce groupe de jeunes filles. En fait, ce qu'elle a dit concernant cette collaboration, c'est que elle a eu, pareil avec Ariana Grande aussi, hein, c'est qu'elle a eu envie de prendre des artistes féminines par la main, parce que elle a exprimé ce souvenir de quand elle a commencé. Les artistes féminines la niaient un peu, quoi. Elle ne voulait pas d'elle. Elle a parlé de Madonna. Oui, Madonna a la dent dure contre Lady Gaga. Elle a la dent dure contre Lady Gaga. En même temps, on peut comprendre pourquoi. Je trouve que pour le coup, il y avait une faute de goût de la part de Lady Gaga, qui était quand même, Born This Way, c'était vraiment un rip-off d'Express Yourself et pas très très élégant. Alors elle parle dommage là dans ce qu'elle dit. C'était quand même plus que du sampling, quoi, je pense, à ce niveau-là. Et que, mais après, je trouve être comparé à Madonna, c'est plutôt quelque chose de positif. C'est l'étal, c'est la maîtresse étalon de ce que c'est que la pop. C'est elle qui a inventé les codes de tout ça. Donc, que forcément, c'est une comparaison fatale que d'être comparé à Madonna. Je sais pas à quel point elles se sont vraiment aimées ou pas aimées. J'ai l'impression qu'en fait tout ça a été beaucoup mis en scène. Je sais que Madonna, elle, je me rappelle l'avoir vue au Stade de France, avoir un petit passage où elle montrait que Express Yourself à la fin d'Express Yourself, comment à chanter Born This Way pour souligner au marqueur quatre fois le fait que regardez comment les mélodies, comment les mélodies ressemblent. Et à la fin, elle enchaîne une chanson qui s'appelle She's Not Me. Elle n'est pas moi. Évidemment qu'il y a beaucoup de malice. Je sais qu'apparemment elles se sont réconciliées. Maintenant. Je ne sache jamais dans le métier. Je pense aussi que je sais pas si c'est elle a envie de prendre Ariana Grande et Blackpink par la main. Je pense aussi que c'est toujours intéressant de d'aller choper la fanbase. Voilà et puis les filles qui tiennent le haut du pavé aujourd'hui parce que elle est passée très très proche Lady Gaga de peut-être d'avoir un moins de succès à un moment donné. Elle revient là très très fort avec un album qui s'appelle Chromatica. Mais à un moment donné, la question de sa carrière musicale, c'est vraiment posée. Là, elle vient, elle se reconnecte avec des icônes qui font la pop vraiment d'aujourd'hui. Et puis sur Chromatica, il y a des retours de tubes très house, très techno. La production est... Il y a une envie de faire danser les gens. Mais je vous pose la question de manière, mais sans aucune malignité, est-ce que c'est un bon album ? Je trouve que c'est un album avec de très très belles chansons, pas toujours élégamment produites. Je trouve qu'il y a un petit souci de production, que ça va dater très très vite. C'est jamais que ma théorie, hein. Alors, putain, je vais me faire mon ferrant. Je trouve que c'est pas bien dosé en fait. Les chansons sont, encore une fois, c'est une auteure-compositrice formidable. Les chansons sont bien écrites, sont bien composées. Il y a un problème au niveau de la production. Parfois, c'est peut-être un peu too much. Et il y a des chansons qui auraient pu vraiment devenir de formidables tubes, mais ça reste un bon album avec une belle histoire et de belles mélodies. Je me dis aussi que il est à l'image de cette envie absolue de revenir, quoi, et que donc tout ça s'explique. Il y a peut-être un petit côté poussif dans ce disque, mais qui en fait, moi, je veux vous avouer quelque chose. À force de l'écouter, opère du charme sur moi. Sûr, oui. Donc ça y est, et il rougit en même temps en disant oh, oui, c'est au bout d'un moment. Non, mais je comprends. Il y a pas de haut. J'ai boudé pendant 2 jours et demi, et après c'était mon album préféré. Et alors, il y a aussi une dimension de femme très engagés. Et, oui. Et ce qui est assez intéressant avec Lady Gaga, c'est que contrairement à d'autres artistes qui ont eu une carrière internationale et une renommée assez importante, elle l'a été dès le début, très investie auprès des jeunes en situation de handicap, la communauté LGBT. Elle a très très tôt, elle a voulu aussi de faire de la House Gaga quelque chose qui serve aux autres. Elle lèvera de l'argent pour la campagne de Barack Obama, elle sera engagée auprès de ce qu'on appelle le Don't Ask, Don't Tell, c'est les militaires qui n'avaient pas le droit de dire qu'ils étaient homosexuels. Voilà, elle est de tous les combats contre le lupus. On l'a vu récemment encore pendant le confinement et le Covid-19. Elle a organisé à la Schlag un concert avec des superstars qu'elle a réunis autour de son nom pour lever de l'argent. En général, on associe une personnalité à un ou deux combats. Elle en est de 40, quoi. Et l'engagement philanthropique, il est assez fort chez elle, notamment auprès des jeunes harcelés à l'école. Le Born This Way Foundation. Elle a créé une fondation, exactement. Elle n'a pas envie d'être simplement connue. Elle veut aussi faire du sens. Et quand on l'entend parler aujourd'hui, s'exprimer sur son nouvel album, sur ce qu'elle a fait avec dans le film de Bradley Cooper, Star Is Born, on sent aussi que c'est quelqu'un qui affiche de plus en plus les fêlures qu'ils l'ont construit. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que même si on avait l'impression d'une star de la pop un peu formatée comme ça, il y a quelqu'un qui est en résilience depuis longtemps. Elle est sous cachet, elle a tout le temps mal à sa hanche et elle a des spasmes. Enfin, vraiment, c'est un reproche qu'on fait à toutes les filles de la pop qu'on fait pas aux garçons. Encore une fois, en fait, c'est d'être des cyborgs. On leur dit systématiquement qu'elles ont quelque chose de mathématique, de froid. Moi, j'entends ce reproche qu'on fait à Beyoncé, ce reproche on le faisait déjà à Madonna. Et je crois que c'est une façon de dire aussi que elle a une vie de femme, elle a une vie avec son propre parcours. Je pense que elle a plutôt envie aussi qu'on la regarde telle qu'elle est, comme une artiste qui donc va puiser en elle, plutôt que comme cette espèce de monstre froid qu'elle peut parfois apparaître, parce qu'elle est tellement impressionnante sur scène. Elle a ce charme, mais c'est ce qu'on disait, c'est vraiment le personnage sur scène est. C'est un guépard qu'il y a sur scène. Tandis qu'effectivement, là, on la voit vraiment s'exprimer de manière très authentique, avec vraiment toutes ses cassures. Et on se sent, entre guillemets, un peu plus proche d'elle. Et donc, le public aussi ressent toutes ses fêlures et se dit « Ah, si Lady Gaga, en fait, se sent mal et qu'elle a réussi à faire ces choses-là, peut-être que moi aussi, j'en suis capable en étant aussi pas bien dans ma peau. » Dans quelques instants, on va jouer, mais histoire de distiller une dose homéopathique de playlist, on va écouter Jojoa et Lieutenant Nicholson avec Kai Pirigna. Et on en profite pour dire merci à Muriel Pérez, à la programmation musicale, qui a bien du courage de nous supporter. Kai Pirigna, pas de soleil. C'était Jojoa et Lieutenant Nicholson avec Kai Pirigna. Et maintenant, on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Mathéus au téléphone. Bonjour Mathéus. Bonjour. Alors, est-ce qu'on a affaire à un fan de Lady Gaga ? Fan, je dirais pas. Je dis que je connais et je suis quelqu'un qui lit beaucoup. D'accord. Est-ce que vous connaissez le principe de l'émission ? Oui, tout à fait. Je pose une petite question, 20 secondes pour répondre, et si vous n'avez pas la réponse, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser un joker, c'est-à-dire demander l'aide d'un des invités autour de la table pour répondre à votre place. C'est bon ? Ok. C'est parti. Oui, je suis prêt. Première question. D'où vient le nom de scène de Lady Gaga ? Alors, c'est une contraction de Radio Gaga et Lady Starlight. Parfait ! Oh, parfait ! Alors, soit il a bien écouté l'émission, soit il est un peu plus fan qu'il ne l'a dit. Question suivante. Combien de Grammys a obtenu Lady Gaga au cours de sa carrière ? C'est un choix multiple. 8 Grammys ? 9. 11 Grammys ? Ou 27 Grammys ? Les Grammys ? Mmh. 8, 11 ou 27 ? 8, 11 ou 7 ? 8, 11 ou 27 ? 27. Wow. Il s'emballe là. Ah, il s'emballe. Oui, mais je vais demander, je vais faire un appel à un ami, parce que je ne suis pas sûr. D'accord. Eh ben, allez-y. Alors, alors, Romain Burel, Marie Luba Je veux dire Romain. Romain bah, moi, j'aurais dit 11. Eh bien, vous auriez bien dit. C'est bien ça. 11 Grammys. Elle en totalise 11 depuis la dernière cérémonie. Dernière question, très simple. Qui accompagne Lady Gaga sur ce morceau ? Et là, ça groove dans le studio. Et je connais la choré par cœur. Eh bien, je ne sais pas du tout. Non, Mathéus ? Allez. Oui. Alors, on demande à Marie Luba ? On demande à Marie Luba ? Eh bien, on demande à Marie Luba. Alors, Marie Luba. Je ne sais pas du tout, moi. C'est Beyoncé. Mais oui, c'est Beyoncé, ah, oui. Téléphone. Ils dormaient dans une cave pendant les 20 dernières années. Ouais. Sur l'album The Fame Monster, sorti en 2008. Mais c'est pas grave, Mathéus, parce que nous, on est gentils dans cette émission. Et ben, vous avez quand même gagné. Vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster, qui sortira au mois d'octobre. C'est un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, mais c'est une bonne fin d'émission. Mais merci beaucoup. Il faut pas être si triste, hein. Ça va aller. On a le droit de pas savoir qui est Beyoncé. Non, je suis pas triste du tout. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Marie Luba. Oui. Avec cette émission, on a peut-être donné envie à des gens de découvrir Lady Gaga. Et donc, quel album, quel single vous auriez envie de conseiller à quelqu'un qui découvre ? Eh bien, par grande surprise, moi je dirais, je choisirais l'album Joanne. Parce que c'est le plus surprenant. Il est sorti juste après Art Pop, qui était, bon, on l'a dit, un album assez spécial au niveau de la production. Et en fait, sur Joanne, on retrouve quelque chose de beaucoup plus pur, acoustique, country. Sa voix aussi est beaucoup moins produite. Les chansons sont magnifiques. Et c'est le début des fêlures dont on parlait. Et donc, c'est l'album que je vous conseillerais. Très bien. Romain Burel. Je vais aller aux antipodes, je vais aller chercher quelque chose d'hyper dense et complètement différent de ce qu'elle peut faire d'habitude. Il y a une chanson sur Born This Way qui s'appelle Heavy Metal Lover, ce qui est un truc absolument incroyable, Kraftwerkien presque. En fait, il y a quelque chose qui elle est dans la recherche sonore, ce qu'elle n'est pas très souvent. Et là, il se passe quelque chose dans ce morceau que j'ai rarement trouvé ailleurs. D'accord, bah alors là du coup ça fait une sorte de joli arc voilà, entre deux tendances et ça permet d'avoir une vision assez exhaustive de Lady Gaga. Eh bien je vous remercie, merci Marie Luba et Romain Burel d'avoir été avec nous pour évoquer Lady Gaga. Je rappelle aux auditeurs, si vous avez envie de nous laisser un message, eh bien il y a un numéro et ce numéro c'est le suivant, c'est le 01 56 40 30 20. Vous pouvez également parler avec moi directement sur la page Facebook de l'émission, mais aussi sur Twitter avec le hashtag blog Buster et Fi. I know I deserve that I of all the things. Je mesure ma valeur d'après ce que je mérite. That is where I. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Je sais que je vaux quelque chose. So I have to stay there. Je ne dois pas l'oublier. Et on se retrouve demain pour parler des petites briques qui font de grandes passions. On va parler des Lego. Après le journal, vous allez avoir le plaisir de retrouver Anna Sigalevitch avec le Mac de l'été. Et aujourd'hui, Anna est en compagnie de la comédienne Nicole Garcia.